Donc, bonjour, Abou Bekar Zinedine. Donc, tu es avec moi au colloque sur la science ouverte. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement? Oui, bien sûr. Je suis Abou Bekar Zinedine, doctorant en sciences du langage et en analyse discours à Paris 13 sous la direction de Marianne Pavot. Je travaille sur les blogs scientifiques en sciences humaines et sociales et notamment sur la plateforme hypothèse.org. D'accord. Et qu'est-ce qui t'embête le plus dans la recherche aujourd'hui? Ce qui m'embête le plus de la recherche aujourd'hui, c'est cet aspect un peu conservateur, et notamment, je parle de ma discipline, hein, je ne vais pas m'aventurer à parler des autres disciplines, mais cet aspect conservateur à travailler toujours sur des thématiques usées et avoir cette peur de travailler sur d'innover en recherche, et surtout de travailler sur les nouvelles technologies, les discours sur Internet. Tout ça, ça fait vraiment un champ d'études très intéressant et dans lequel il faut se lancer, nous, comme linguistes ou comme analystes du discours. D'accord. Et comment tu verrais la recherche demain? Qu'est-ce que tu aimerais qu'elle soit? J'aimerais qu'elle soit beaucoup plus ouverte à la science telle qu'elle se présente aujourd'hui, c'est-à-dire la science ouverte, les blogs scientifiques, les réseaux sociaux, qu'on intègre ces thématiques discursives et linguistiques au sein de nos études, qu'on adopte de nouvelles approches qui permettent de rendre compte de ces phénomènes-là, et puis qu'on ne soit pas frileux à tout ce qui est science ouverte et partage et collaboration. D'accord, donc il faut oser dans certains côtés. En linguistique, maintenant, je pense qu'il est vraiment temps d'oser et de faire énormément de recherches sur les discours numériques, sur les réseaux sociaux, mais aussi à ne pas hésiter à faire des collaborations avec des start-up, avec des entrepreneurs. Je pense que les deux peuvent s'associer. D'accord. Et ça rejoint Hack Your PhD. Bidouille ton doc. Bidouille ton doc en québécois. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi.